Difficile à dire, seul le cœur reconnaît les vrais mots. Tout ce qu'elle donne, c'est à peine croyable. Des bouffées d'amour fondent sur ma peau, une vraie tempête sur une plage de sable. Je me sens comme un héros. Difficile à dire, lequel de nous deux est vraiment né? Ce jour d'octobre, entre deux océans, une nouvelle trace dans l'éternité fait son petit chemin en dansant le début d'une autre histoire plus gaie. Difficile à dire, des yeux si grands, mon amour si noir est-elle venue pour me sauver? Des lèvres douces comme de la soie est-elle ici pour me réchauffer? J'en ai presque retrouvé la foi. Difficile à dire, comme la fleur qui éclot doucement, c'est à peine si on la voit grandir. Son berceau s'est battu longtemps, mais n'a pas su la retenir. Pourtant rien n'est plus faible qu'un enfant. Difficile à dire, mais je t'aime vraiment si fort que je saigne. Je voulais que cette chanson accompagne avant que la lumière rouge ne s'éteigne et que